Le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, Cho Il-min, et ses collaborateurs ont visité le 5 octobre le musée de la fondation du parti à l'occasion du 71e anniversaire du Parti du Travail de Corée.